nome da música Take Me Home. O projeto MXGPU junto a Molinex e GPU Panic. Escolha de hoje do João Pedro Bandeira para o posto de escuta. Quase meio-dia 22, homem em catarse para ouvir já a seguir na hora de almoço. Os feitos, as conquistas, os méritos estão no Hall of Fame. As luzes da rádio apontadas a quem merece o nosso destaque. Holofote, uma conversa às claras, com gente que nos surpreende. Sempre à segunda-feira, às 11h25 da manhã. E para ouvir de novo, às 9h25 da noite. Clube da Amizade. Aos domingos, Jaime Ferreira de Carvalho lança uma ponte entre todas as comunidades portuguesas à volta do mundo. Um programa aberto à conversa, com as experiências pessoais e associativas e os diferentes modos de vida. Clube da Amizade. O convívio de domingo, das 9h ao meio-dia. Se está na Austrália, Macau ou Timor, sintonize o satélite Asiasat 5. A temperatura em Sydney, na Austrália, desceu muito ligeiramente. Sydney está com 13 graus agora. São Paulo, no Brasil, com 14. Em Toronto, no Canadá, estão 21. A cidade de Nova Iorque está com 23. Paris está com 27. Londres com 29. Panjim, aliás, falta Delhi primeiro. Delhi com 22. E Panjim, em Goa, na Índia, sim, está com 29. RDP Internacional. Nesta música, ao Homem em Catarse, juntam-se Luca Argel, Sara Yasmin e também Nuno Prata. É o Gueto da Paz. Aqui no Gueto da Paz, a liberdade é teu par. E com um abraço, e com um abraço, já acontece. São mais que dos sonhos. Economia, economia é abrir corações. Aqui no gueto da paz, toda a gente tem voz. Thank you. Voz com Homem Catar, Teluca Argel, Sara Yasmini e também Nuno Prata. Já sabe que daqui a pouco vai ser meio-dia e meia. Também já sabe que a essa hora há Jornal de Desporto. E hoje há jogo da seleção feminina no Euro, o último jogo da fase de grupos contra a Bélgica. Tudo para ouvir daqui a pouco ao meio-dia e meia. Até lá, o Miguel Maroco fica aqui a dar-nos música com este a quem? Bonjour à tous et à toutes, et bien voici le retour comme tous les vendredis après-midi. Voici donc et bien les chansons souvenirs, tout simplement pour l'après-midi du vendredi, tout simplement. Et pour vous, j'espère que tout s'est bien pour vous la semaine, ainsi pour la matinée que vous avez eue. Et puis donc, eh bien, demain, tout simplement, nous serons déjà le week-end. Mais déjà, nous sommes déjà que le vendredi après-midi, avec bien sûr les chansons souvenirs. Sans plus tarder, voici donc les chansons souvenirs, mais aussi vers 14h, 15h et 16h, une chanson tout simplement par heure de Bourville. Voilà, et bien on commence avec la chanteuse qui s'appelle Annette Lajon, J'ai perdu d'avance. sur Arc-en-Ciel. Un autre, avec le bonheur pour enjeu, le gagnant est celui des deux qui n'aime pas autant que l'autre. À quoi bon le nier, mon chéri? Avec toi, j'ai compris, j'ai perdu d'avance, je t'appartiens. Sans défense, quand tu me tiens, quand tu t'en vas, parfois je songe à m'évader, jurant tout bas de ne jamais plus te céder. Mais je t'attends. Tu t'avances, j'ai perdu d'avance. Jusqu'au dernier jour de ma vie, c'est moi qui t'aimerai le mieux. J'ai pu lire ça dans tes yeux, du jour où ton cœur m'a suivi. Il a pris le mien pour toujours. Avec toi, mon amour, j'ai perdu d'avance, je t'appartiens, je suis sans défense, quand tu me tiens, quand tu t'en vas, parfois je songe à m'évader. Jamais plus te céder, mais je t'attends, le cœur battant, et quand tu t'avances, j'ai perdu d'avance. Et je vous laisse avec Irène de Trébert, je t'aime. Je t'aime, le jour se lève, tout m'enchante. Je t'aime, dans les rideaux le soleil chante. Je t'aime, mon cœur est comme beau dimanche, comme une valse entre les branches, sous le beau ciel de tes yeux bleus. Je t'aime, il suffit que je te redise, chérie, je t'aime, en m'éveillant pour être grise. Je t'aime, la vie est comme un air de fête, dans le refrain toujours répète, ces petits mots merveilleux. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Toujours le même t'aime, oui je t'aime. Quand tu souris c'est mes vacances. Je t'aime, c'est mon bonheur et c'est ma chance. Je t'aime, je voudrais vivre dans une île douce, toujours tranquille, avec un seul cœur pour nous deux. Thank you. quand tu souris, c'est des vacances. Je t'aime, c'est mon bonheur et c'est ma chance. Je t'aime, je voudrais vivre dans une île douce, toujours tranquille, avec un seul cœur pour nous deux. Je vous laisse avec un morceau tout simplement de clarinette. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Il s'appelle Ray Dakar avec son titre Swing, Madame. Nous voici tous réunis et nous allons faire un truc épatant. Vous le verrez, c'est très amusant. Ce n'est pas difficile ni très compliqué, mais il faut quand même savoir bien l'attraper. Et tout en cœur avec moi, vous allez chanter swing, swing, swing, madame, swing, swing, swing, madame, swing. Écoutez cette musique, l'orican, c'est magnifique que vous verrez, c'est magnifique, swing. Swing, swing, madame, swing. Une, deux, trois, quatre, swing. Je ne fais pas de réclame, mais dans l'amour, oui, madame, il faut l'aider, le proclame, swing. Si ce soir votre mari amoureusement vous dit. Répondez-lui donc, madame, gentiment, vous le verrez, ce sera charmant. Aimablement faites-lui, c'est votre devoir, ce petit geste qui le remplira d'espoir, et tous deux vous serez certainement ce soir. Swing, swing, swing, madame, swing, swing, swing, madame, swing. Écoutez cette musique de la rue, en est magnifique, vous verrez du magnifique swing. Swing, swing, madame, swing, une, deux, trois, quatre, swing. Si je ne fais pas de réclame, mais sans âme, oui, madame, il peut être, je le proclame, swing. Ce petit truc dans le couplet, faites-le donc, s'il vous plaît. Ce n'est pas très compliqué, croyez-moi, allez-y, tout en cœur, avec moi. Et n'oubliez pas ce petit geste original, vous l'attraperez sans vous donner beaucoup de mal. Et quand vous saurez ça, c'est fatal. Swing, yeah, swing, swing, madame, swing. Swing, swing, madame, swing. Écoutez cette musique, le rythme de magnifique, quand vous verrez ce magnifique swing. Boum, boum, boum, swing, swing, madame, swing. Une, deux, trois, quatre, swing. What the devil is that to do, what the devil is that to look at the devil is that to look at the devil. Donc, elle s'appelle Yann Granier avec son titre Jamais ne s'oublie. Thank you. vous laisse avec Josette Dead, avec son titre Quand Betty fait bop. Des caramels, moi je ne voulais rien de tout ça. Et je demandais à mon papa, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi au cinéma. Oh, quand Betty fait bouc, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, ça me traverse par-ci par-là, ça monte ici, ça descend, ça me prend là. Quand Betty fait bouc, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, je ne sais pas pourquoi tout ça me fait autant d'effet que ça. À 18 ans, je connus un beau jour, un jeune homme charmant qui, pour me faire la cour, m'offre une loge à l'opéra. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas, emmenez-moi, emmenez-moi, emmenez-moi au cinéma. Oh, quand Betty fait bouc, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, ça me traverse par-ci par-là, ça monte ici, ça descend, ça me prend là. Oh, quand Betty fait bouc, et quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou, je ne sais pas pourquoi tout ça me fait autant d'effet que ça. Il s'est approché aux actualités, il m'a embrassé au dessin animé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, oh, dans ma tête tout s'est embrouillé. Et ce soir-là, oh, et ce soir-là, et ce soir-là au cinéma. Oh, Popeye a fait bouc, Mickey a fait paille, Betty a fait miaou. Je les ai vus la tête en bas, ça montait ici, ça descendait par là. Popeye a fait bouc, Mickey a fait paille, Betty a fait miaou. Je ne sais pas pourquoi tout ça m'a fait autant d'effet que ça. Depuis, c'est lui, c'est lui qui dit tous les soirs, allons au cinéma. Quand Betty fait bouc, quand Popeye fait paille, quand Mickey fait miaou. Je ne sais pas pourquoi tout ça, non, je ne sais pas pourquoi tout ça, je ne sais pas pourquoi tout ça m'a fait autant d'effet que ça. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et puis donc, il s'appelle Andrex avec son titre Et hop. Quand je suis né, ma destinée, par mes parents fut discutée. Mon père voulait que je sois docteur, ma mère voulait que je sois ma sœur. Ma vocation fut plus obscure, j'avais du goût pour la friture. Et c'est pour ça que j'ai installé ma petite échoppe sur les salés. Et hop, un petit coup et je la tourne, un second je la retourne, ma petite poêle à la main, ça n'est pas bien malin. J'en vois ma crêpe en l'air. Et hop, c'est un très chic métier, je suis connu dans le quartier. Les clients sont gentils et les clientes aussi. Je leur chante un petit air. J'ai toujours les mains nettes et un col empesé. Et chacun se répète ce qu'il fait distinguer. Je ne gagne pas des millions, mais j'ai bien le filon. Les gens m'appellent par mon nom, Gaston. Quand j'ai ma petite voile à la main, les femmes s'arrêtent sur leur chemin, me demandant une leçon pour les retourner à ma façon. Il faut les voir, oh c'est merveilleux. À la chandeleur, elles font la queue, oui. J'en ai même vu se crêper le chignon à cause des crêpes du beau Gaston. Et je la tourne, un second, je la retourne, ma petite poêle à la main, ça n'est pas bien malin. J'en vois ma crêpe en l'air. Et C'est un très chic métier, je suis connu dans le quartier. Les clients sont gentils et les clientes aussi. Je leur chante un petit air. J'ai toujours les mains nettes et un col empesé. Et chacun se répète ce qu'il fait distinguer. Je ne gagne pas des millions, mais j'ai bien le filon. Les gens m'appellent par mon nom, Gaston. Lorsque Suzette m'est apparue, c'est fou le choc que j'ai reçu. Fallait choisir, oh y a pas de milieu, Crêpe ou Suzette, j'ai pris les deux. Dans mon échoppe, elle vend de la glace, et dans mon cœur, elle a sa place. Mais elle grossit, oh c'est maladif, parbleu les crêpes, c'est bourratif. Et hop, un petit coup et je la tourne, un second je la retourne, ma petite poêle à la main, ça n'est pas bien malin. J'en bats ma crêpe en l'air. Parler d'un boulot, Suzette m'a dit coco, moi je ne fais que le gros, elle a eu Saint-Marmo, oui, je leur chante un petit air. Depuis dans la picoque, toutes les femmes s'en émoient, s'écrient, c'est lui, le coq, en me montrant du doigt. Et quel beau coup de poignet, y a la queue dans le quartier, pour goûter au grand frisson, Gaston, et hop. Donc je vous laisse avec Félix Paquet. Comme l'alimentation présente en ces temps-ci un intérêt tout à fait particulier, j'ai cru bien faire en vous apportant une petite chansonnette alimentaire. C'est pas bête, hein? Ça s'appelle « Donne-moi de quoi que t'as, t'auras de quoi que j'ai ». Y'a pas besoin d'aller au hall quand on veut faire ses provisions. Rue Le Pic près de la place Figaro, on trouve de tout et à foison. Y'a qu'à se baisser pour en prendre, qu'à pousser paille, y en a trop. Moi si je voulais, je pourrais en vendre à la sortie de tous les métros. Je me débrouille et je ne manque rien grâce à mon joli petit refrain. Donne-moi de quoi que t'as, t'auras de quoi que j'ai. Moi j'ai des pommes de terre, des choux, des carottes et d'avis. Tiens, de quoi que j'ai, donne-moi de quoi que t'as. Moi j'ai du roudoudou, des gâteaux et du chocolat. Mais où t'as eu le beurre que t'as là? Chez le petit cordonnier au coin de la rue, fait du bouillat. Et toi ton huile, d'où c'est qu'elle vient? Je l'ai acheté tout à l'heure chez le père Louis, vendeur de chien. Voulant faire de nouvelles emplettes, la digestée sans rue le pique. Il fallait que je trouve une jaquette avec un pantalon mastique. Boucher me dit faut pas t'en faire, je vais t'arniper mieux qu'un mannequin. Et te proposer une affaire, je te dis que ça tient gros malin. J'ai plus de viande mais je vends des vêtements, seulement je vais dire auparavant. Donne-moi de quoi que t'as, t'auras de quoi que j'ai. Moi j'ai du vrai café, du vrai savon et du vrai lait. Tiens, de quoi que j'ai, donne-moi de quoi que t'as. Moi j'ai du faux filet qu'un photographe profila. Mais où t'as eu tout ce café-là? Je l'ai acheté au coiffeur installé au bureau de tabac. Et ton tabac, où tu l'as eu? Chez le teinturier d'en face à qui j'ai refilé de la morue. Ah, ah. Ah si l'on a le cœur léger, lorsque l'on peut chanter, donne-moi de quoi que t'as. T'auras de quoi que j'ai. Et elle s'appelle Léo Marjane avec Sérénade au vent d'histoire. Thank you. l'orchestre qui s'en va, la cloche au loin rythme le pas. Une feuille au vol incertain tourne et s'en va sur le chemin. Je chante au vent du soir ma sérénade, au vent qui passera sur mon pays, afin que mon désir vers toi s'évade, plus fort que le sommeil et que l'oubli. Combien d'étés et de frimas j'ai dû passer loin de tes bras. Peut-être quand ton cœur léger, mon cœur n'est plus qu'un étranger. Au vent qui dansera sur ta maison, parfois le souvenir en embuscade se rit du temps qui passe et des saisons. Mais si tu ne l'écoutes pas, que de notre espoir si ton cœur bat, que le vent t'emporte à jamais avec ma peine et mes regrets. Au vent, je chante seul et sans bonheur. Si l'air en est léger comme une balle, les mots sont faits de crainte et de rancœur. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Donc il est tout pile, et bien 14h, voici donc la première chanson de Bourvil. Et bien donc son titre s'appelle Oupeta la Bella. Donc bien voici Bourvil. Dans les montagnes en maraude, la fille du contrebandier, sur son petit âne portait en fraude du tabac dans son petit panier. Elle chantait la ritournelle qu'un gaz avait faite pour elle. Ah, hé. Elle s'appelait Oupeta, Peta, Si, Peta, La, Peta, O, Peta, Ba, Oupeta, La, Bella, Oupeta, La, Bella, Oupeta, La, Mia, Bella. Sur son âne, elle allait, Peta, Si, Peta, La, Peta, O, Peta, Ba, Oupeta, La, Bella, Oupeta, La, Bella, Oupeta, La, Mia, Bella. De sa voix fraîche, elle chantait, coucou. Au loin, l'écho lui répondait, quand le petit âne faisait hi-han, au loin l'écho lui répondait la même chose. Coucou si, coucou la, péta si, péta la, l'écho mêlait tout ça à la belle ou péta. Mais un beau jour, elle se fit prendre par un douanier, un beau petit gars, qui lui apprit sans plus attendre tout ce qu'elle avait comme tabac. En pleurant la contrebandière, lui dit, ne me fais pas de misère. Ah, hey. Je m'appelle Oupéta, Pétassi, Pétala, Pétao, Pétaba, Oupéta, la Bella, Oupéta, la Bella, Oupéta, la Mia Bella. Je ne veux pas que tu touches à mon paquet de tabac, je t'en prie, je ne veux pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ta tabatière. Mais le douanier, lui, il a dit, je le dois. Et tout de suite, l'écho répondit, rien, parce qu'il n'avait pas crié assez fort. Alors forcément, elle lui a dit, ben le v'là. Mais pour se moquer d'elle, il répondit, merci, je fume pas. C'est ainsi qu'Oupéta sauva tout son tabac. Le petit âne trotta emmena Oupéta. Oupéta. Oupéta. Oupéta. Chansons souvenirs, et voici donc Jacqueline Ricard, et son titre s'appelle Le Petit Cousin. Un homme très bien, ma mère ajouta, il est pharmacien. Marie me dit, ça fera un bon mari. Suzy aussi. Mais toi seule, tu ne me disais rien. Mais toi, tu restais tout seul dans ton coin. Et moi, je suis allée te prendre par la main, mon petit cousin. Je t'ai traîné devant mon père, je t'ai traîné devant ma mère, je t'ai traîné devant Marie et devant Suzy aussi. Mon père te toisa d'un air suffoqué, ma mère faillit mourir dans un hoquet. Marie s'écria, c'est un bal toqué. Suzy, ok. Mais moi, j'ai fait un pied de nez à Marie. Mais moi, j'ai dit zut et zut à Suzy. Et toi, eh bien, je t'ai gardé pour la vie. Mon petit cousin, mon petit Marie. Là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais toujours essayer. Je vois bien les réverbères, tiens, ils marchent deux par deux. Il n'y a pourtant rien à faire pour passer au milieu. J'ai dû voir un peu trop ce soir. Je crois que vous voulez savoir pourquoi je me suis enivré. Je vais essayer de m'en rappeler. Voilà maintenant, ça me revient. En rentrant chez moi, je me souviens, il n'y avait plus personne à la maison, mais juste un mot sur le guéridon. Adieu, je m'en vais, ne m'attends pas. Et c'est ma femme qui m'écrit ça. Soudain me voilà parti comme un fou. Je marche au hasard, je vais n'importe où. Et je ne me rappelle plus combien. j'ai fait de bar américain. Voilà pourquoi j'ai vu ce soir que je marche pas droit sur le trottoir. C'est pas la peine de vous moquer, ça pourrait bien vous arriver. Je vois les gens qui me regardent comme ça en disant qu'est-ce qui tient celui-là. S'ils savaient comme ça passe le temps, je suis sûr qu'ils en feraient tout autant. D'ailleurs j'ai moins de peine, ça finit par passer. Mais tiens, voilà la scène. Qu'est-ce que j'ai dû marcher. Ça me donne soif de voir l'eau en bas, mais vous me faites les gros yeux, pourquoi? Je ne boirai plus après ce coup-là, je vous jure que c'est la dernière fois. Je vous jure que c'est la dernière fois. Rien ne sourit, le ciel fait l'amour, le monde est morose. Sans vous, ces feuilles des roses et l'oiseau se meurt d'ennui. Sans vous, la plus belle nuit s'éteint tout à coup, le charme s'achève. Sans vous, s'effacent mes rêves et tout mon bonheur s'enfuit. Votre voix, vos yeux, vos sourires, pour moi signifient le bonheur. Et l'amour ne veut plus rien dire sans votre image dans mon cœur. Sans vous, plus rien ne sourit, je suis là de tout. Le monde est morose, sans vous, ces feuilles des roses, et l'oiseau se meurt d'ennui. Sans vous, la plus belle nuit s'éteint tout à coup, le charme s'achève. Sans vous, s'effacent mes rêves, et tout mon bonheur s'enfuit. J'écoute le vent qui pleure, j'entends partout votre voix, sans fin je compte les heures, quand vous êtes loin de moi. Sans vous, tout bas je redis les mots les plus doux, mais nul ne m'écoute. Sans vous, j'ai perdu ma route. Je vous cherche en vain partout, car je ne suis plus rien sans vous. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. agents de police, deux ombres dans l'ombre se glissent, la porte s'entr'ouvre d'un bond, s'échappe un air d'accordéon. On danse à la Villette, quand Paris s'est endormi, au fond d'un bal musette, où tous les volets sont mis. Derrière, on y accepte que les amis des amis. On danse à la Villette chaque soir après minuit. Viens, ma gigolette, oublions nos ennuis. L'endroit n'est pas très respectable, pas beaucoup de fleurs sur les tables, mais on n'a pas besoin de mieux en valsant les yeux dans les ma gigolette, oublions nos ennuis. Pourquoi donc se casser la tête, vouloir singer les gens honnêtes, car même pour des galvaux deux, quand on s'aime rien font deux. On danse à la Villette, quand Paris s'est endormi, au fond d'un bal musette, les vols sont mis. Derrière, on y accepte que les amis des amis. On danse à la Villette chaque soir après minuit. Viens, ma gigolette, oublions nos ennuis. Chante victoire, amis, vraiment je vous en prie. Le mien n'est qu'une simple histoire, c'est l'histoire de ma vie. Imaginez une seconde, un domestique vous répond. Monsieur vient de partir en voyage et ne m'a rien laissé pour vous. Non, madame, je n'en sais pas davantage. Il n'a pas été question de rendez-vous. Monsieur m'a chargé tout simplement d'une dame le réclamait. Après avoir quitté l'appartement, de lui dire qu'il avait bien du regret. Hélas, monsieur a dû régler mes gages, ne sachant pas le jour qu'il reviendrait. Hier, en faisant ses bagages, il m'a bien semblé qu'il pleurait. Monsieur vient de partir en voyage et ne m'a rien laissé pour vous. Non, madame, je n'en sais pas davantage. Il n'a pas été question de rendez-vous. Si cette histoire est pas trop triste, ami, alors oubliez-la. dans ma vie, plus rien n'existe. Depuis cet affreux jour-là, lorsque mon cœur s'est fait trop tôt, à chaque fois, je crois entendre. whispers of fate in the midnight glow. A story unwritten where dreams will flow. The stars align, but the path's unclear. The destiny of love draws us near. The touch of your hand sets the world on fire. A flicker of hope, an endless desire. We chase the horizon, hearts in disguise. The destiny of love in our eyes. It's the road we take, the steps unknown. A force that pulls, we're never alone. Through the storm and calm, we rise above, guided by the destiny of love. Echoes of laughter through time and space. The universe bends for a single embrace. The moments we live, the chances we seize, the destiny of love, a sweet tease. We're writing a tale, no end in sight, through shadows and sun, through day and night. The threads of our hearts, they're tightly spun. The destiny of love can't be undone. It's the road we take, the steps unknown. A force that pulls, we're never alone. Storm and calm, we rise above, guided by the destiny of love. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Comme un chien qui veut barrer son chemin. Il a le cuir tanné, il a le cœur brûlé, comme le sol pelé et des sierras où je suis né. Mais Jim, c'est mon Jim, dans ses bras comme il sait bien me prendre. Son bras est un lasso, emportant comme un oiseau mon cœur qui bat au galop. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Il était dans les assurances, de ce fait, il n'en manquait pas. Elle était vendeuse chez Hortense, elle aimait bien son vieux papa. Chaque jour, le hasard malin les faisait se croiser en chemin. Entre 11h et midi, dans la rue Lafayette, il voyait la fillette, la trouvant gentillette. Entre 11h et midi, de son côté la belle, qui s'appelait Isabelle, pensait oh qu'il est gentil. Il était fatal dans ces conditions, il risque un petit brin de conversation. Entre 11h et midi, sonne l'heure de la chance, pour deux cœurs en vacances, juste entre 11h et midi. Doucement, ils prirent l'habitude de se voir ainsi chaque jour. Et cela devint le prélude d'un gentil petit roman d'amour. Dans le quartier, même les agents redonnaient d'un petit air indulgent. Entre 11h et midi, voilà l'amour qui passe. Devant lui, tout s'efface. Allez, circulez, faites place. Entre 11h et midi, chacun dans un sourire, douce

cru entendre parler son cœur. Ainsi démarra notre idylle. Elle avait un sac en croco. Oh oh, oh dear. Elle avait une belle auto. Oh oh, oh dear. Très bien carrossée, la ligne est lancée. L'automobile, quand elle avait froid, avant de partir, elle faisait comme ça. Elle avait un sac en croco. Oh oh, oh dear. Elle avait une belle auto. Oh oh, oh dear. De petits pas choc, qui n'était pas en toc. L'automobile, elle se conduisait bien. Oh oh dear. Mais elle était très bonne à croquer. Moi je jubile, car l'ayant épousé, je croque du. Avec Colette Mars, avec Le vent emporte ma chanson. Sur notre bonheur affolé, le malheur s'était abattu et tout hélas fut emporté. Notre bonheur était perdu. Mais les cœurs qui s'aiment vraiment résistent toujours aux tourments. Il me restait cette chanson pour me bercer dans l'abandon. Le vent porte ma chanson, qui te dira tant d'amour. Tout au long des jours malheureux, pour me guider, j'avais tes yeux. Et dans mon cœur, le fol espoir de te revoir. Le vent porte ma chanson. Notre amour, enfin tu es là près de moi, soyons heureux comme autrefois, jusqu'à la fin de notre vie, toujours unis. Le vent porte ma chanson. Voici Fernandel avec son titre J'ai un chapeau. Fernandel. Je ne suis pas le roi de la prairie, mais un cow-boy assez spécial. Car je me tiens, c'est plus original, bien mieux à table qu'à cheval. Si le mien reste à l'écurie, c'est parce qu'il rue dans les brancards. Et je ne veux pas monter ce vieux tocard qui me fait faire le grand écart. Car j'ai un beau chapeau, j'ai un grand lasso, j'ai un petit couteau et l'air idiot. Oh oh, j'ai un foulard vert, j'ai deux revolvers. Pour me faire peur, je tire en l'air. Cette belle chemise, c'est que je me tiens à carreau contre toutes ces vaches de taureaux qui en décornent mes patrons. C'est ainsi qu'un de par méprise, en voyant rouge mon foulard, fonça sur moi d'un cri sans crier gare. Je me suis planqué dans un placard. Car j'ai un beau chapeau, j'ai un grand lasso, j'ai un petit couteau et l'air idiot. Oh oh, j'ai un foulard vert, j'ai deux revolvers. Pour me faire peur, je tire en l'air. L'habit dit-on ne fait pas le moine, mais il y contribue beaucoup. C'est pour cela que la femme d'un chef-you un beau jour me fit les yeux doux. C'était la belle fleur de pivoine, son époux me dit furibard. Tu vas mourir ou l'épouser dardard. Sans retard j'ai pris l'autocar. Car j'ai un beau chapeau, j'ai un grand lasso, j'ai un petit couteau et l'air idiot. Oh oh, j'ai un foulard vert, j'ai deux revolvers. Pour me faire peur, je tire en l'air. Je vous laisse avec Loulou Gasté, avec son titre « Oui, si tu me dis oui ». C'était un chef de musique qui doucement mourait d'amour pour une jeune fille magnifique qu'il trouvait belle comme le jour. À la tête de sa fanfare, certains soirs du mois de mai, il fut un concert bizarre, espérant qu'elle comprendrait. Oui, parlez-moi d'amour, oh oui, je suis jeune ce soir, oh oui, j'attends pour elle. Oui, les fleurs bleues, qui me magnifique. Et la belle sans tarder, avec le chef de musique, partit dans un nid douillet. Mais au moment fatidique, déchargé de doux secrets, mère les pompiers, toute la clique, à la fenêtre chantait. Oui, parlez-moi d'amour, oh oui. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Je vous laisse avec les Star Sisters. Tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo. But if I'm late, woo-woo. Go on, my heart is going to complain. I'll run away. commencer donc, elle s'appelle Jeanne Sacquin, avec son titre « La boîte à matelots ». C'est un bistrot assez louche, dans une ruelle près du port. On y boit et l'on y couche, à bâbord comme à tribord. La servante est sans manière, la patronne est sans façon. Leur vertu n'est pas austère, il y a de la joie et des chansons. C'est un caboulot, un petit bistrot dans un port de pêche. Une boîte à matelots vers laquelle au trot les gars se dépêchent. Buvons un coup, l'alcool ça rend fou, les filles sont belles. Buvons en deux, rêves merveilleux, nos cœurs ont des ailes. Vive la chanson sur l'accordéon d'un gars de la marine. Qu'importe demain le coup du destin, la vague assassine. D'éternes vagues de tous les petits gars, ici c'est la crèche. Dans le port de pêche, allons boire un pot dans la boîte à matelots. Ici l'amour on le donne, garde à vos cœurs matelots. On dit que pour la patronne, un gars s'est foutu à l'eau. Qu'importe ce qu'on raconte, sur l'hôtesse et le bistrot. Si elle vous plaque sans honte, la servante a le cœur chaud. C'est un caboulot, un petit bistrot dans un port de pêche. Une boîte à matelots vers laquelle au trot les gars se dépêchent. Encore un coup, Marie, verse-nous le tout dernier verre. Et si tu prends un nouvel amant à la belle affaire. Vive la chanson sur l'accordéon d'un gars de la marine. Qu'importe demain le coup du destin, la vague assassine. D'éternes vagues de tous les petits gars, ici c'est la crèche. Dans le port de pêche, allons boire un pot dans la boîte à matelots. La chanson sur l'accordéon d'un gars de la marine. Qu'importe demain le coup du destin, la vague assassine. D'éternes vagues de tous les petits gars, ici c'est la crèche. Dans le port de pêche, allons boire un pot dans la boîte à matelots. Voici donc M. Barodi avec Souvenir Paris.

Rancho. Chiu, chiu, chiu, chiu. Chiu, chiu. Devine que les gauchos ne sont pas des manchots. Tchiou! Je vous laisse avec quatre chansons différentes. Petit bonjour déjà à Chantal. Voici donc la première, c'est Annie Girardot avec son titre Ça m'empêche de dormir. Et puis la deuxième et la troisième, c'est le blues qu'elle aime bien. Et puis juste après avec Henri Salvador, le titre Blues du dentifrice. Voilà donc, et bien on se retrouve juste après. Des draps bien frais, des confidences sur l'oreiller, et des secrets dans les alcôves qui sentaient bon, des riches, des pauvres. Quand je voyais le paradis, c'était un septième ciel de lit, dont les anges étaient mes amants, qui s'endormaient en souriant. Moi, ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Ils tournent dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. Moi, ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Ils tournent dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. J'en ai connu de ces étreintes, quand la lumière s'est éteinte. Elle commençait quand la nuit vient, elle ne finissait qu'au matin. J'en ai froissé en ribambelle de ces fraîches et fines dentelles que je brodais pendant le jour pour préparer mes nuits d'amour. Moi, ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Ils tournent dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. Moi, ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Ils tournent dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. Et maintenant, seul, je dors, et seul, j'attends les aurores. J'entends les heures une à une, et parfois, un rayon de lune vient se glisser dedans mon lit. Dans la nuit, me rappelant pour un instant les belles nuits blanches d'avant. Moi, ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Ils tournent dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. Moi, ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Ils tournent dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. comme un bal de petits lits blancs.

sous ton ciel vit le jour. Sous ton ciel vit l'amour, vit le monde. Aujourd'hui, le monde fait l'amour. Comme un pachouka murmurant tout bas, ce mot d'amour qui chante comme une rumba. Sous le ciel enchanteur de tous les côtés, c'est le bonheur qui vous appelle. Près du Rio, dans les roseaux, un chant d'oiseau. Jaloux de lui, un whisky jette son cri. En de la Sierra chante une conga et sur la même ritournelle. Besta, besta, besta, besta, besta, besta, besta, besta, besta, besta, besta, besta, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, mais c'est l'amour qui rida, qui court dans la pampa de Pachuca. Pachuca, Pachuca. Voici donc que je laisse avec Nori Pesson, avec son titre, s'appelle Salade de fruits, mille soleils.

crédit, c'est leur vue qui commence. Je gratture un marronnier en fleurs, puis ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qu'aime les pompiers, acclame ses pierres troupiers. Ma tendre épouse bat des mains, quand défile les saints syriens. Ma belle-mère pousse des cris, en reluquant les spahis. Moi je faisais qu'admirer notre brave général Boulanger. Nous étions triomphants de nous voir à nos champs le cœur en l'aise. Quand j'hésitais, nous voulions tous fêter, voir les compliments des larmes françaises. En route, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de licher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Et le soir, lorsque nous rentrons, nous sommes tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramenait un fantassin. Ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère au petit trot galopait son bras d'un nous allions triomphant en retenant ton chant le cœur à l'aise. Sans hésiter, nous venions d'acclamer, voir les continents et l'armée française. Voici donc que je laisse avec deux titres différents de Flûte de Pan.

que la France est belle et comme on se sent fier d'être un de ses enfants. À la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, bien la France est belle, et comme on se sent fier d'être un de ses enfants. Et voici donc, je vous laisse avec deux titres différents, ici du rétro. Silver ships we soar tonight. From Earth to stars we roam so free, with rockets humming in harmony. Robot pals do all the chores while we just dance on cosmic floors. Life's a dream, no worries here. The universe, our new frontier. Living the good life up in the stars. Freedom's calling near and far. Galaxies wide, ours to roam. The future's here, we found our home. So raise a toast to a life so fine. Among the stars we shine, we shine. Boundless skies where dreams take flight. We choose the good life in starlit light. Glow under neon stars with the Cadillac ride on Saturn's ring. Life is golden forever spring. Sipping sodas by Saturn's shore. Each day holds a little more. We laugh, we dance, we glide away. Living large in the Milky Way. Living the good life up in the stars. Freedom's calling near and far. Galaxies wide, ours to roam. The future's here, we found our home. So raise a toast to a life so fine. Among the stars we shine, we shine. Boundless skies where dreams take flight. Here's to the good life in starlit light. With the robots humming by our side, through cosmic highways we'll take the ride. No more work, it's play all day. The universe is ours, we'll lead the way. The glow of planets soft and true. Life's a dance forever new. Here's to freedom wild and vast. The 50s future built to last. The stars we shine, we shine. Boundless skies where dreams take flight. Here's to the good life in starlit light. With robots humming by our side, through cosmic highways we'll take the ride. No more work, it's play all day. The universe is ours, we'll lead the way. In the glow of planets soft and true, life's a dance forever new. Here's to freedom wild and vast. The 50s future built to last. It's the 50s skies ablaze, atomic dreams and golden haze. Spaceships hover in the night. We're moving forward, feeling right. City lights and driving tunes, dancing on the silver moons. New horizons far and near, the age of wonders finally here. Flying high, dreams collide through neon stars and cosmic pride. A brand new world, oh. bright and free. Future's calling, can't you see? Boundless hopes, electric skies, starlight dreams in our eyes. With hope machines and radio hums, every heart is beating drums. The open road, midnight show, together there's no place we won't go. Science fiction, here and now, promises made and kept somehow. A whole new world beyond our sight, we're reaching out to touch the light. Flying high, dreams collide through neon stars and cosmic pride. A brand new world, bold and grand, hand in hand we'll make our stand. This is life, bright and free, the future's calling, can't you see? Boundless hopes, electric skies, starlight dreams in our eyes. The chromic sparks and satellite beams, we're pushing through with boundless schemes. A taste of freedom, pure and wide, riding along the stars. Steel, with dreams as big as the world we feel. To the starlit nights, the songs we sing. In the 50s glow, our spirits voici donc Georges Hulmer avec le titre Une voiture contre une gyps. Voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, hip, hip, hourra. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, hip, hip, en criant hip, hip, hip, hourra. En passant par les Champs-Élysées, toutes les filles nous ont couvert de baisers. Et Paris s'était mis sa robe la plus jolie, le bleu blanc rouge, et beau jour de fête. La tour Eiffel nous disait allô, en enlevant pour saluer son drapeau. Un petit monsieur barbu, monté sur une statue, m'a crié, eh, on les a eus. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, hip, hip, hourra. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi les casques en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip hip hip, en criant hip hip hip, hourra. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et voici donc qui s'appelle André Dassari avec Odette Moulin. Et puis son titre, leur titre s'appelle tout simplement Mon cœur qui bat. Attendons le bonheur qui passe, peut fort bien ne point revenir. En bolide, il franchit l'espace, c'est à nous de le retenir. L'avenir est joyeux, si je lis dans tes grands yeux, j'y vois toujours la vie en bleu. Dans mon être, on est moi, le bonheur est tout à moi, quand je suis auprès de toi. Lorsqu'en mes bras l'amour te jette sans débat, oui, sans débat, comme imprudente une alouette qui s'abat, je sens ton cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, je sens ton cœur qui bat. Tu sens mon cœur qui bat. Que pour toi je vocalise un air tout bas, un air tout bas, et qu'à papa je subtilise ses babas. Je sens ton cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, je sens ton cœur qui bat. Entre tes bras mon cœur palpite, rien m'y pousse au monde. Mon cher amour, je m'éblottis toute ta petite, en me disant c'est pour toujours, c'est pour toujours, c'est pour toujours. Notre bonheur et la victoire sans combat, oui, sans combat, c'est la plus belle des histoires d'ici-bas. Lorsque je sens ton cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, ton petit cœur qui bat. Maintenant je me donne des ailes pour partir vers notre destin. Nous suivrons une route belle et j'aurai des succès certains. Pour l'instant, les faisons les bravos et les chantants, par l'humble puissance commençons. Nous verrons éblouis les plus merveilleux pays et nous connaîtrons Paris. Lorsque je pars à l'aventure en disant bas, en disant bas, c'est que ta force me rassure et que tout va. Je sens mon cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, je sens mon cœur qui bat. je sens ton cœur qui bat, lorsqu'à ton aide devient ma force qui s'ébat, oui, qui s'ébat, et que je te murmure en basque gaïchois. Je sens ton cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, je sens ton cœur qui bat. Les noms d'amour que tu me donnes ornent mes jours comme un credo. Comme un credo. Il faut que tu me pardonnes avec ton grand mot Rinaldo. Ton Rinaldo. Un tel bonheur et la victoire sans combat. Oui, sans combat. C'est la plus belle des histoires d'ici-bas. Aussi je sens ton cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, ton petit cœur qui bat. La plus belle des histoires d'ici-bas. Aussi je sens ton cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, ton petit cœur qui bat, ton petit cœur, ton petit cœur, ton petit cœur qui bat. Je vous laisse avec Jo Priva, avec l'impression gitan. Je vous laisse avec un morceau de jazz clarinette. Thank you. donc il est 16h51, et bien l'émission touche à sa fin. Donc eh bien j'espère que pour vous tout s'est bien passé l'après-midi avec les chansons que vous avez pu écouter, que ça s'est bien passé tout simplement, et puis autre aussi. Voilà, donc on va terminer, avant bien sûr de se quitter, on va terminer l'émission avec André Pastoc, avec son titre s'appelle Au son des castagnettes. Voilà pour nous, on va se retrouver donc eh bien dimanche avec bien sûr entre 12h30 jusqu'à 16h, et puis aussi avec l'émission de l'accordéon. Voilà donc, eh bien je vous dis bon sang tous à vous toutes. Quatre coins de l'Espagne, vieille compagne des jours heureux. Qu'il n'est bergère ou princesse, qui ne connaisse leur son joyeux. Partout, grand-mère aux fillettes, chacune manie les castagnettes. Et seul, à ce rythme-là, l'amour ne fait pas de petits pas. Au son des castagnettes, mantilles et voilettes, s'agitent coquettes. Les petits pieds s'élancent pour frapper la cadence, la danse s'apparaître. Les amoureux se jettent des bouquets de violettes, partout c'est la fête de ces villas balances. Au son des castagnettes, on danse. Garçons et filles s'enlacent, des anges passent pour les unir. L'amour est roi dans l'arène où se promènent tous les désirs. Et dans ce joyeux tintamarre, légers tambourins et guitares, parfois se mêlent au jeu, au jeu merveilleux des amoureux. Au son des castagnettes, mantilles et voilettes, s'agitent coquettes. Les petits pieds s'élancent pour frapper la cadence, la danse s'apparaître. Les amoureux se jettent des bouquets de violettes, partout c'est la fête de ces villas balances. Au son des castagnettes, on danse. Amoureux se jettent des bouquets de violettes, partout c'est la fête de ces villas balances. Au son des castagnettes, on danse. Arc-en-ciel. Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. La 32e édition du Festival des Saints Populaires de Radio Arc-en-Ciel fut un réel succès. L'équipe du conseil d'administration tient à exprimer ses sincères remerciements à chacun d'entre vous pour votre présence et votre participation au festival. Votre soutien et votre enthousiasme ont grandement contribué au succès de cet événement festif aux couleurs du Portugal. Bravo à nos artistes passés sur notre belle scène. DJ Booba,